Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. On dit que le temps guérit toutes les blessures, et celles que j'ai subies sont dignes d'une brûlure au dernier degré. Je sais, je rigole, mais j'ai saigné. Les plans comme les tiens, tu sais ce qu'on dit, on récolte ce que l'on sème. Et on m'a dit que tu te demandais comment je me sens et puis comment je vais. Ne m'appelle pas, ne m'écris pas. Tu sais très bien que je vis mieux sans toi. Et au passage, j'efface ton nom de nos souvenirs, car tu es de trop. Et ne m'appelle pas, bloque tes lèvres, n'y pense même pas. Seul dans la nuit, je ne réponds plus. Nous deux c'est vaincu, tu resteras dans l'oubli. Ne m'appelle pas. T'es pas un plan sûr, mais ça je le savais. On m'a averti, j'ai foncé quand même. J'aurais dû renoncer. J'ai vu l'état de ton 4,5. Dormir par terre, un matelas pour lit. Vraiment, j'ai continué. Mais j'ai tout compris. Le jour où t'as voulu te faire mes amis. Ne m'appelle pas, ne m'écris pas. Tu sais très bien que je vis mieux sans toi. Et au passage, j'efface ton nom de nos souvenirs, car tu es de trop. Et ne m'appelle pas, bloque tes lèvres, n'y pense même pas. Seul dans la nuit, je ne réponds plus. Ou de ces vaincus. Ou que j'aime ce morceau. Cœur de pirate à l'instant, ne m'appelle pas. Bonsoir, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo. On commence bien avec une chanson de rupture, c'est génial. Que voulez-vous, c'est comme ça. Le mix de Ludo, le vendredi à 21h, le samedi à 21h aussi. Allez, parlons d'un truc qu'il ne faut surtout pas toucher et pas essayer. Les pas d'un pauvre maître pressé le mènent à une mort certaine et précoce. Il le sait depuis le jour où il a vu son frère échanger un sachet blanc contre de l'argent avec un mec du quartier. Alors pourquoi ne pas faire comme lui? Il trouva de l'argent pour acheter son coin de paradis. Un billet en première pour l'extase en charter. C'était bien cher payé pour une jouissance éphémère. Et aujourd'hui, quelle est son existence? Vendre des petits paquets pour assouvir sa dépendance. Et une nuit tout bascula. Pendant qu'il vendait, une patrouille l'embarqua. Il ne revit sa ville qu'à travers des barreaux et mourut seul avec sa dernière dose d'héros. Il n'y eut personne pour pleurer lors de l'enterrement. Le sachet blanc compte un mort de plus dans ses rangs. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie. Autour de moi s'est arrêté le temps. J'ai dû me tromper de paradis. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie. Autour de moi s'est arrêté le temps. J'ai dû me tromper de paradis. Une rue sombre, une limousine s'y engage. En face d'elle, une Cadillac attend sous l'orage. On sort la marchandise et la petite valise. La tension s'attise sous les gabardines grises. Car les gars qui sont là n'ont plus rien à prouver. Dans le style enfoiré, ils se sont affirmés. La conscience tranquille, ils peuvent rentrer à la maison sûre et certains de ne jamais finir en prison normale. Ils n'arpentent pas les trottoirs et n'ont aucune idée de ce qu'est le désespoir pour eux. Il n'est qu'à faire de monnaie et qu'importe le prix, ils n'auront pas à le payer. Il neige sur ma ville, des flocons d'héroïne, le style de poudreuse qui vous plonge dans l'abîme. Pendant que certains se frottent les mains, pensant à l'argent qu'ils vont amasser le lendemain. Après ça, on vous promet une guerre comme on n'en a jamais vu. contre la drogue dans la rue. Que d'affabulation et d'extrapolation, sachant que le poison est à l'intérieur du bastion. Et oui, tout le monde sait le problème, ce n'est pas les dealers. Tuer le mal à sa source, ce serait bien meilleur. Car vendre de la blanche est interdit, c'est sûr. Sauf si tu as une villa sur la Côte d'Azur, que tu ne te trimbales qu'en limousine et que ta femme porte un manteau en zibeline. Si tu n'as pas tout ça, tu ne vis pas longtemps. Et le sachet blanc compte un mort de plus dans ses rangs. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie. Autour de moi s'est arrêté le temps. J'ai dû me tromper le paradis. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet blanc m'empoisonne la vie. Autour de moi s'est arrêté le temps. J'ai dû me tromper de paradis. Poudre, poussière, la route n'est pas longue. Elle part de la première et s'arrête à la seconde. N'oubliant personne, ni enfant ni homme. Tout comme l'alcool, elle détruit ce qui s'y adonne. Ceux qui la font rentrer par tonnes n'en ont rien à faire. Qu'une femme enceinte s'en foute plein les veines. C'est plus fort que moi, que pourrais-je leur souhaiter d'autre? Sinon que leur fils se drogue lorsque leurs compagnes les regarderont en sanglotant. Parce que la poudre aura volé la chair de leur chair, le sang de leur sang. Je leur dirai d'écouter ce soir dans la cité les pas d'un pauvre mec pressé. Le sachet blanc compte mort de plus dans ses rangs. Le sachet blanc compte mort de plus dans ses rangs. Le sachet blanc m'empoisonne le sang. Le sachet, l'un des plus gros singles de IAM. Le sachet blanc. C'est arrêté le temps. J'ai dû me tromper le paradis. Le sachet blanc. IAM qu'on avait connu entre autres avec Je danse le Mia. Qu'on aura peut-être tout à l'heure. Blanc. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène jusqu'à 23h avec le mix de Ludo. Ladies with an attitude. Allez, on accélère un petit peu. On est un peu là pour ça aussi. Allez, c'est parti, voici Madonna. Vogue. Direction les années 80. Le vendredi, le samedi soir, c'est le mix de Ludo sur Sorgi FM. 21h, 23h, 2h de mix non-stop, tous les week-ends, sur le 91 et le 102.5. Sorgi FM, la radio la plus proche de chez vous. Nouveautés, souvenirs aussi, c'est le menu du mix de Ludo. Et tout ça, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM, Sorgi FM. Ludo in the mix. Let your body move to the music. keeps pulling me backwards. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. So I tell myself, samedi soir, 21h-23h. No puedes hablarle en mis soli total cuando me muero. No me caiga atrás que te apunte. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy. No me caiga atrás que te apunte. Y yo creo que voy ya solito en plan cuando me muera. Es más, te puedo decir algo. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. El que no le debo un peso a nadie. In the mix. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM.

universe is open. Love isn't random, we are chosen. And we could wear the same crown. Keep slowing your heart down. We are the gods now. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. prouver que le micro est éteint, ça marche pas. Qu'on n'entend pas. À l'instant, c'était Lady Gaga avec Boys, Boys, Boys. C'est pas une reprise de, sa, de Samantha Fox, de Sabrina, hein, mais c'est un sample, on va dire. Voici The World Is Mine, David Guetta. Le mix de Ludo, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM et nulle part ailleurs. 2 heures de mix non-stop, tout ça rien que pour vous tous les week-ends. The world is mine.

Keep on coming back for more. Ludo in the mix. Et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Thank you.

in the mix. Aussi sont français. Polo & Pan. Leur premier single qui a fait un carton quand c'est sorti. En fait, il paraît que Annie Cooney, ce morceau, donc, est issu d'une comptine. Ils l'ont remixé à leur goût, ils ont réessayé, ils ont fait écouter ça à une maison de disques et puis ça a cartonné en Amérique avant de venir en France. Petite découverte de l'été dernier. Comme quoi, même en France, on a des bons artistes. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Bring that ass back like a boom boom. Give up.

don't you fall like ho ha ho ha. I don't give a damn about this. Look what you're gonna miss, baby boy, you'll get dismissed. You ain't even worth a samedi à 21h sur Sorgia FM. strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. And if you ask me how I'm feeling, don't tell me you're too blind to see. Never gonna give you up, never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Passez une bonne soirée à l'écoute de Sorge FM. On se retrouve vendredi et samedi prochain, 21h-23h. C'est les nouveaux horaires du mix de Ludo. Avant c'était 21h le vendredi et 22h le samedi. Maintenant c'est les deux, le vendredi et le samedi à 21h, pas de jaloux. Bonne soirée à vous, rendez-vous la semaine prochaine, bon week-end. In black and white. 21h sur Sorgia FM. Je sais, je vous l'ai déjà mis hier, mais j'aime bien. I can see it, I know what you're feeling. Rendez-vous la semaine prochaine, vendredi et samedi prochain, à partir de 21h, pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. 2 heures de mix de top à chaque fois. Ça fait du bien pour les oreilles. Surtout avant de partir en boîte, par exemple. Ou même de débuter une soirée chez vous. On met la radio, le 91, si on est sur Bellegarde, le 102.5, si on est sur Éloise. Et puis voilà. Donc rendez-vous la semaine prochaine, vendredi à 21h, samedi à 22h, samedi à 21h aussi. Je suis encore sur l'ancien. Allez, bisous bisous. Ludo in the Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM.